L'étude du message de Nouvel An prononcé par le dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion de 2017 a été effectuée par la filiale de Shenyang de l'Association générale des Coréens en Chine dans la salle de réunion de l'Association générale. Les participants se sont déterminés à œuvrer toujours comme le peuple de la patrie, engagé dynamiquement dans la marche de la nouvelle année, tout en s'inspirant profondément du mot d'ordre combatif énoncé dans son message de Nouvel An, et à s'engager comme un seul à la cause patriotique pour le progrès de la patrie et la réunification indépendante du pays.